Anna cria de toutes ses forces, de trouille ou pour conjurer le sort, elle ne savait pas trop. Elle plia légèrement la jambe, côté pied blessé, de telle sorte que son pied gauche, talon en avant, pouvait éventuellement pulvériser un obstacle. Son talon rencontra en effet quelque chose de dur qu'elle n'identifia pas. Elle n'en eut pas vraiment le temps d'ailleurs. Elle criait toujours quand il lui sembla voler un court instant pour atterrir dans... Nan se trouvait un peu au-dessus des hommes qui sifflaient. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais il sut qu'il devait continuer tout droit, sur la même ligne, et dépasser les humains. Il parvint à une sorte de bout du bout. Il allait devoir démontrer tous ses talents, car une pente escarpée, parsemée de minuscules plages vertes, où il pourrait un peu brouter, de buissons jaunes et de rochers gris-noirs, se présentait à lui. Malgré son âge adulte, son pied sûr et sa science de l'escarpe, il aimait la cabriole et rêvait parfois de se prendre pour ces drôles de bêtes portant de lourdes choses sur leur tête et dont l'art de la descente bondissante le fascinait depuis toujours. Nan était un baudet. Il descendait lentement en regardant chacun de ses pas, en évaluant la sûreté de son accroche sur le moindre pouce de terre. Non, ses sabots ne tenaient pas sur la roche dure, mais un peu de terre meuble, d'herbe ou un buisson lui suffisait pour s'agripper. Et de plus, Anna venait de lui procurer de superbes chaussures, à sa taille et tout et tout. Il continua encore et encore à descendre jusqu'à ce qu'il rencontre un trou, vraiment trop large pour le franchir d'un bond. Il n'avait jamais été très fort en matière de saut. Anna, par instinct sûrement, bloqua sa respiration et atterrit comme un galet sur l'eau, avec un petit ricochet certainement dû à la peau rase de l'autre. Elle ne put retenir un aïe de plus, malgré son coussin improvisé. Son derrière meurtri avait à nouveau pris le choc. Anna ouvrit les yeux et les bras. Elle était dans une eau claire, verte et bleue à la fois. Sans réfléchir, ses jambes s'agitèrent instinctivement sous elle. Le froid endormit ses douleurs et elle parcourut du regard, à rien éblouie par les reflets de la clarté soudaine, l'espèce de lac mi-souterrain où elle se trouvait. Anna savait nager parce que quand elle était trop petite pour travailler, son père et son grand-père l'emmenaient à la pêche dans la rivière toute proche. Et dans cet endroit en amont, il y avait une sorte de petit bassin paisible. C'est là qu'elle avait appris à nager sous l'œil attentif des pêcheurs immobiles, leurs longues cannes souples, bien calées sous un bras. Elle tournoya sur elle-même, souriant bêtement malgré ses douleurs, de longues mèches de cheveux étalées en nappes s'échappant du foulard à fleurs. Elle était vivante, elle avait survécu à cet étrange périple souterrain. Elle avait traversé une moitié de la terre et maintenant elle était là, dans l'eau, la lumière au-dessus d'elle et sur un côté, et des sons aussi caverneux à souhait. Elle ria, heureuse. « Je suis vivante » cria-t-elle. « Ver de terre, vous ne m'avez pas eu !» Un boucan infernal et inquiétant lui renvoya des échos lugubres. Elle avisa une sorte de plaque de roche affleurant en face d'elle. Elle nagea difficilement, alourdie par les vêtements et l'autre, jusqu'à la plateforme. Ses pieds trouvèrent fort heureusement quelques rochers pour y prendre appui. Elle finit épuisée par se hisser sur le sol lisse, usé par les eaux. Soufflant comme un phoque, elle passa la langue sur ses lèvres et resta là, face contre pierre, dégoulinante. En équilibre précaire, les quatre membres posés à différents étages, Nan n'était pas vraiment dans une bonne posture. Qui sied à un âne de bonne réputation? Son boulot, c'était de porter avec des pieds sûrs, pas de faire des figures d'équilibriste ou des cabrioles d'artiste. Mais il l'avait attendu, là en bas. Et elle avait mal, il en était sûr. Elle avait besoin de lui. Elle ne bougeait plus. Peut-être dormait-elle. Il n'était quand même pas un casse-cou pour sauter de si haut. En plus, il ne savait pas nager. Du moins, le croyait-il. Anastasia était sonnée et profita juste de cet instant sublime qui lui disait « tu es vivante ». Après ce moment haletant, elle s'assit sur son postérieur de plus en plus douloureux et simplement apprécia les couleurs, l'air, la lumière. C'était une sorte de grotte avec un trou au sommet et sur sa gauche une ouverture béante comme une gueule de monstre. des rochers luisants lui dessinant des dents. Elle ne vit rien au-delà, à part un bout de ciel bleu. Il faisait bien jour. Après tout, peut-être que son voyage n'avait duré qu'une ou deux heures. C'était tout ce qui lui importait. Elle se mit sur le flanc et s'endormit dans une flaque d'eau irisée par les rayons de lumière. Nan, contournant le trou, y trouva une étroite bande de terre où ses quatre sabots pouvaient tenir ensemble. Il lui suffisait maintenant d'allonger le cou pour la voir. Devait-il la réveiller ou la laisser se reposer? Pour finir, il jugea utile de la laisser dormir et brouta tout ce qui était accessible autour de lui. Repu, il s'endormit lui aussi. Chapitre 6 d'une aventure extraordinaire de l'auteur Li Kaon.